طيب قبل أن نبدأ درسنا نبين أمرا مهما حتى لا يبقى مع بعض الإخوة إشكال في هذا. فغبت عن الدرس اليوم بسبب ما وللمعتكف أن يخرج من اعتكافه إذا اشترط ذلك وله حاجة. Donc, tout d'abord, avant de commencer notre dars, notre cours habituel après la prière du Asr, on évoque le pourquoi du comment je me suis absenté pour le dars du Dhuhr. Afin que ce soit une précision et qu'il n'y ait pas de problème dans les esprits de certains frères, Fihad. Donc, yani, il faut savoir que pour l'i'tikaf, celui qui a mis la niya de rester dans la mosquée, il lui est formellement interdit d'en sortir. Il lui est formellement interdit d'en sortir en fonction de sa niya. Tamam. Lakin, il peut sortir de la mosquée si toutefois il a des besoins qu'il ne peut pas trouver en restant à la mosquée. Minha, على سبيل المثال الأكل والشرب والاغتسال وما إلى ذلك يجوز للمعتكف الذي نوى البقاء في المسجد على الدوام إلى انتهاء اعتكافه يجوز له أن يخرج من المسجد لحاجته. Donc il peut sortir de la mosquée si il ne trouve pas son besoin, la chose dont il a besoin dans la mosquée, comme la nourriture, la boisson, ou le fait de se laver s'il n'y avait pas de douche. Chacun des mu'takif peut rentrer chez lui et se doucher et revenir. Non. Ou les mu'takif أن يشترط شروطا في اعتكافه إذا رأى أنه ربما ينشغل ببعض الأمور فلا ينوي تمام البقاء بل يشترط ويقول أنا معتكف إلا إذا عندي حاجة. تمام. فهذا المعتكف له أن يخرج متما ظهر له حاجة، وأنا على هذا لأني اعتكفت قبل العشر الأواخر بعشر، وهذا كبير وصعب، وأنا صاحب عائلتين وأولاد وعندي أم مريضة ومرض، يعني مرضها كبيرة. فلهذا قدر الله علي ابتداء أن أخرج في هذا اليوم، لكن لا بأس. فلا ماذا يتعجب الواحد إذا خرجت من هذا الاعتكاف، لأني قد نويت الخروج عند أدنى حاجة. Donc, celui qui a mis des conditions dans son i'tikaf, qui a conditionné son i'tikaf avec des certaines conditions, comme celui qui par exemple il dit je fais un i'tikaf de telle heure à telle heure, tamam, ou comme celui qui dit je fais l'i'tikaf mais si j'ai le moindre besoin je sors de mon i'tikaf. Fahada la bas, fahada la mani' wa la bas wa ana ala hada. Et moi le ce que je me suis imposé dans cet i'tikaf, c'est que s'il y a le moindre besoin que j'ai à faire, yani je sors. Awalan, parce que avant d'avoir fait l'i'tikaf des 10, ça fait déjà 10 jours avant qu'on a commencé l'i'tikaf. Wa hadha kabir. 20 jours sur 30, c'est un i'tikaf assez yani, conséquent. Voilà. Et comme vous le savez, j'ai pas mal d'occupations à l'extérieur, avec la famille, et notamment ma mère qui est malade. Wa nasallallahu an yahdiyaha lil-islam. Fa birru al-walidain bil-akhas al-walida amrun 'azim ya ikhwan. أمر عظيم والله يعني الدنيا بأكملها ما تسوي يعني هذا العمل فبر الوالدين وبالأخص بر الوالدة لا سيما الحالة هذه يعني أعتبرها في رمضان من أفضل الأعمال. نعم. ثم بعدين يا إخوان والله أن المعتكف في نعمة وعز وشرف، إذ انفرد عن الناس وعن الدنيا بمشاغلها. الذي يخرج من اعتكافه يرى بوضوح ما من الله عليه من الانشغال بذكر الله والصلوات والجلوس مع إخوانه وماذا وحلقة العلم وحلقة الذكر. هذه نعمة. كم من الناس ينشغلون. فجدوا واجتهدوا فإن لكم في خير ورب الكعبة في خير عظيم. Toute personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le bienfait de se détacher des occupations mondaines de cette dunya, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé un grand bien. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé un très grand bien. Wallahi ya ikhwan, quand tu sors dehors et que tu reviens dans des occupations de cette dunya, peu importe que les occupations, ça n'a pas la même saveur que quelqu'un qui s'est retiré de ce bas monde. Qui s'est retiré de ce bas monde et qui adore Allah Azza wa Jal min al-sabah ila sabah, min al-layl ila al-layl. Toujours dans les hilaq dhikr, toujours dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Toujours ma'al mala'ika. Hein? Toujours ma'al mala'ika. Parce que l'i'tikaf, تأتي تدخل تصلي وما دمت في الصلاة فأنت مع الملائكة ويدعون لك. أي فضل أعظم وأي بركة أقوى. نعم. فهذا يحتاج إلى شكر، هذا يحتاج إلى شكر من الجميع. سؤالك الله سبحانه وتعالى وكمبلي par cette adoration. Ou même celui qui ne fait pas i'tikaf, mais qui trouve le temps, un temps à se poser dans ce genre d'assises, un temps à se poser dans la mosquée pour lire le Coran, hada khair. Fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya وآثر الحياة الدنيا ما معناه يا إخوان؟ وآثر الحياة الدنيا ها ها فضل أي قدم الحياة الدنيا على إيش؟ على الآخرة. فإن الجحيم هي المأوى. تنديك ماذا؟ Lui, il a préféré avancer ce bas monde sur l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe sur son hal, comme il a avancé ce bas monde sur l'au-delà, qu'est-ce qu'il aura pour son au-delà? Al-Jahim. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Tandis que celui qui a craint la rencontre de son Seigneur, qui a craint la rencontre de son Seigneur, يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Celui qui a craint ce jour-là, c'est pour ça en vérité qu'on s'efforce de laisser la dunya dans des jours mubaraka, dans des nuits mubaraka, parce que on sait qu'on a une rencontre avec Allah Azza wa Jal, et on sait que on a un échange. On a une récompense à prendre chez Allah Azza wa Jalla. Et qu'on ne veut pas perdre cette récompense pour ce bas monde. À la kulli hal, هذا بيان أو بيان لخروجي في هذا اليوم. وكذلك ننبه الإخوة الذين وفقهم الله لتطبيق السنة. الخيام وموضع الاعتكاف. ما هي جميع المسجد؟ موضع الاعتكاف هو المكان الذي جعلت فراشك. الآن أنا اعتكف هنا، ما يصلح لي أن يعني أجلس في غير هذا المكان، إلا إذا في شيء يسير، يعني اتصالات أو خروج للحاجة أو شيء من ذلك. لكن الاعتكاف الذي يعتكف في مكان الذي جعل فراشه. ونحن ما نزلنا يعني عن عبث، والله ما نزلنا عن عبث، يعني طبقنا السنة، عملنا بالقرعة ونزلنا. لكن أتعجب لما أرى أني لو كنت فوق، أنا في خيامي يعني على الدوام، أخرج ألقي درس وأرجع إلى مكاني. وهذا هو السنة، الاعتكاف في المسجد. أنت تعتكف حتى عن الناس، حتى عن رؤيتهم. والله الشيخ يحيى لما كان يعتكف، اعتكف يعني في عهدي لما كنت في دمشق، رأيته يعتكف، اعتكف 3 أيام و4، وهو ذو عيال ومشاغل عظام، فما استطاع أن يعتكف 10، اعتكف 3 أو 4 أيام. لكن الخيام يعني مضروبة، وهو يعني يصلي ويلقي الدرس ويرجع على الخيام، والذي يريد يكلمه يأتي عند الخيام. مشايخ قبائل وشيوخ وماذا يعني عظماء القوم يأتون عند خيامه ويكلمون عند الخيام، وهو ما يتحرك من الخيام. فهذه مذاكرة، أن الخيام ما تبقى هكذا فارغة من أصحابها، ما تبقى هكذا فارغة من أصحابها، يعني هي أيام يسيرة. بلا شك c'est peut-être difficile sur certaines personnes de rester enfermé dans une tente. Mais لكن si tu es venu pour faire cette sunna, fais-la jusqu'au bout. إيش تترك هكذا؟ Le prophète عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة وهو يعني في البخاري ومسلم، صلى الفجر ثم رجع إلى اعتكافه. Il a pris la prière du Fajr, ensuite il est retourné dans son i'tikaf. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Il a pris la prière du Fajr. Fil masjid. Pourquoi elle dit les retourner faire i'tikaf? Fil makan alladhi huwa ya'takif fi. Ya'khudhu yani 'ahdan. Fa celui qui a posé sa tente et qui est la tente qui ne bouge pas, elle n'est pas comme celui qui est obligé d'enlever sa tente tout le temps, tu vois. Celui qui est obligé d'enlever sa tente, encore la baisse. Mais les tentes qui ne bougent pas, inshagilu bidhikrillah wal muraji'a wal hifz fiha fiha. Wallah, ana, moi j'ai vraiment apprécié que les frères ils se battent pour avoir ces places-là. Mais c'est pas pour dire, ouais, j'ai une tente et j'ai dormi dans une tente. Wallahi, hada ma huwa fadl. Le fait de dormir dans une tente, c'est pas un bienfait. Wallah, c'est pas un mérite en soi. Mais le fait d'être enfermé dans ta tente, lire le Coran, terminer surat al-Baqarah, surat Ali Imran, surat al-... Et tu pleures. Ma min ahad yarak. Dumu' tanzil, tanzil, ma min ahad yarak. Ma anta illa anta... يعني مع مع ربك هذا سين حلاوة ça c'est un plaisir que tu as dans le cœur et que personne peut atteindre le miqdar هذا الامر c'est ça l'i'tikaf tu t'atazil عن الناس حتى تمام قال المؤلف عليه رحمة الله ونؤمن بالملائكة او نعم ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. طيب. Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, après qu'on ait terminé le plus gros passage, le plus gros point qui concerne l'aqida. Hatta ya ikhwan, ceux qui sont dans leur mu'taqif, si on pouvait leur faciliter, c'est-à-dire que les doulos ils soient donnés par le micro, ils n'aient même pas à sortir de leur tente. Wallahi, anna hada ni'ma. Ni'ma. Et aslan, c'est ce qui se faisait dans bon nombre de mosquées fil Yémen. Tamam? Ta'adaw. Taïd, donc le Cheikh Al-Uthaymeen, après avoir terminé d'évoquer la plus grosse partie, la plus grande partie de l'aqidah, la plus grosse partie, la partie la plus importante, qui n'est autre que la foi en qui? En Allah Azza wa Jal. En ses noms, en ses attributs, en sa sienerie, en sa divinité. Voilà qu'il passe au deuxième point qui concerne le dogme et la croyance, qui n'est autre que la croyance, la foi aux anges. Et la foi aux anges, et Juan, Kadalik. مما يزيد الإيمان ومما يزيد المراقبة ومما يزيد مذاكرة الله عز وجل لعبده. Et la foi aux anges et Juan, ça fait partie des bases et des fondements qui rajoutent et qui augmentent la foi du serviteur, qui augmentent sa prise de conscience et qui maintiennent dans son esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Pourquoi? Car lorsqu'il sait qu'il a des anges, qu'il y a des anges, que lui ne voit pas, mais qui eux, le voit. Des gens qui sont d'un nombre que personne, en dehors d'Allah, ne peut estimer. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Personne ne peut estimer le nombre de ces anges. Hein? Le prophète, alayhi salatu wassalam, ala sabil al-mithal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, il n'y a pas dans le ciel. Il n'y a pas dans le ciel. مَوْضِعْ ثَلَاثَ أَسَابِعْ. Il n'y a pas dans le ciel la place de trois doigts. Hakada, sans que tu trouves un ange prosterné ou incliné qui invoque Allah Azza wa Jal. Ya ikhwan, le as-sama, as-sama عند العرب, كل ما علا وارتفع. كل ما علا وارتفع. Donc dans cet espace-là qui est au-dessus de nous, il n'y a pas un endroit plus grand que la place de trois doigts, sans que tu ne trouves un ange qui est prosterné ou incliné et qui invoque Allah Azza wa Jalla. Personne ne peut imaginer leur nombre. Bayt al-Ma'mour. Bayt al-Ma'mour. Yadkhulu fiha kull yawm 70 alfan. Kull yawm 70 alfan. Wa hadha min qadim az-zaman ila qiyam as-sa'a 70 alfan. Wa idha kharaju lam yarji'u fiha. Na'am. وتزيد محبة الله تزيد المحبة لله عز وجل من أي ناحية؟ لماذا يعني الإيمان بالملائكة يزيدنا محبة لله؟ ها اسمعي، فلما ترى أن الله سبحانه وتعالى كلف ملائكة لأجلك، إما لحفظك، إما لكتابة رزقك، إما للمطر، إما للوحي، فترى أن الله سبحانه وتعالى جعل ورفع شأنك حتى جعله بين يدي بعض الملائكة يعتنون بك، وإلا من نحن؟ تظنون أن النملة لها ملائكة تحفظها، أو الأسد الحيوان المفترس له ملائكة؟ لا. ولقد كرمنا بني آدم، هذا تكريمة من الله عز وجل لبني آدم، هذا يحتاج إلى شكر الله عز وجل. على كل حال، قال الشيخ: خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله سبحانه وتعالى il a créé ses anges de lumière. Les anges et les ikhwan, ils sont créés de lumière. Comme a dit le hadith. Aïcha. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Khuliqat al-malaikatu min nur. Wa khuliqat al-jannu min marijin min nar. Les djinns, contrairement aux anges, les anges sont créés de lumière. Les djinns, ils sont créés de feu. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Mimma wusifa lakum ma ma'na ya Moussa. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Et Adam, il a été créé de ce qu'on vous a montré, ou de ce qui vous a été Mada caractérisé. Mais ma wusifa lakum. Min turab. Min turab. Fahada sha'nul malaika. Ils ont été créés de lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et les a contraints à ce qu'ils l'adorent. C'est-à-dire, il les a créé dans le but premier de son adoration et son obéissance. وحجبهم الله عنا فلا نراهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous les a cachés par un voile. On ne peut pas les voir. On ne peut pas voir les malaïka, Abu Aisha. On ne peut pas voir les malaïka. Aucun homme ne peut voir les malaïka. Certains prophètes peuvent voir les malaïka. Et d'autres, ils ne peuvent pas voir les malaïka. Un tifl. Aqidatul Qamariya. C'est une croyance comorienne. Que l'enfant peut voir l'ange. Tadri, hatta inda al-arab. عندهم هذه ال يعني إذا رأون مثلاً الولد الطفل يتبسم تبسما يعني عجيبا يقولون أنه يرى الملائكة ولا دليل على ذلك لا دليل على ذلك مملك فارسي عقيدة باطلة من بني آدم نعم نعم ها الشهداء الشهداء طيب ها عند الموت لا لا انا اقصد في الحياه est-ce qu'on peut voir les anges في الحياه لا طيب احسنت حسن طيب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ما ما ما المراد بينما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل هذا الرجل يعني ماذا بأي وصف وصفه شعره سوداء شديد السواد يعني لباسه يعني بيض شديد البياض تفضل من يصفه هكذا عمر فهذا يدل أنه يراه بعينه تمام جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وهم ينظرون وهذا الرجل قال في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمر من هو فقال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم تمام فالملائكة قد تظهر على بعض الناس قد تظهر لكن الذي التبس عليكم ربما هي رؤيتهم على حقيقتهم هذا وهل هذا قد يحصل في الدنيا ما يحصل في الدنيا طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان قاب قوسين أو أدنى فإنه رأى قال عبد الله بن مسعود معلقا على هذه الآية قال فإنه رأى جبريل وله 600 جناح من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالملائكة يا إخوان il est possible qu'il soit vu dans ce moment le prophète عليه الصلاة والسلام il a vu Jibril dans sa forme réelle il avait 600 ailes il avait 600 ailes subhanallah dans un autre hadith il prenait toute la place de l'horizon Jibril dans son apparence réelle. Et c'est lui qui a dit au prophète, alayhi salatu wa salam, « Kif wada'ta al-asliha ?»« Nahnu wal-malaika ma qad wada'naha » Lorsqu'il dit après la bataille d'Al-Khanda, il dit au prophète, alayhi salatu wa salam, « Pourquoi as-tu déposé les armes ?» Alors que moi et les anges, nous n'avons pas déposé les armes. هذا يا إخوان، quand tu penses aux malaïka, حتى قلبك ينشرح. Ton cœur il s'apaise. Peu importe les problèmes que tu peux avoir. يا إخوان، الله سبحانه وتعالى لله الأمر و لله الأمر كله. يعني الله possède يعني جميع l'affaire de ce bas monde et de l'au-delà. C'est lui qui dirige toutes les affaires. Et lorsque, Mada, tu t'enfermes dans tes soucis, tu t'enfermes dans tes problèmes, tu oublies ce genre de choses. Tu oublies qu'il y a des gens beaucoup plus grands que ce que tu peux voir avec tes yeux là aujourd'hui de la grandeur de certaines créatures. Non. Tu oublies qu'il y a des anges qui sont là pour t'aider. Des anges qui viennent et qui te raffermissent. Non. فالإيمان بالملائكة باب عظيم من أبواب المعتقد. طيب قال حجبهم الله عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض عباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح وقد سد الأفق وتمثل جبريل لمريم كذلك جبريل إلى أبغي مريم تمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بسورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وخطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل نعم ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفه أو كلفوا به أو كلفوا بها نؤمن بأن للملائكة أو للملائكة أعمالا كلفوا بها فمنهم جبريل جبريل c'est quoi son sa fonction principale hein جبريل pour l'âme de la personne hein Ah, Hudayfa, tu connais l'ange Jibril? Tu as déjà entendu parler de l'ange Jibril? Al-Malak? Hein? Ça, il lui fait quoi, lui? Tu sais pourquoi il descend? Non? Ah, Abdallah? Allah Alam. Allah Alam. Hassan? Ariane. Il vient écrire le destin de la... Ah, Idriss. Jibril. Al-Malak. Jibril. Hein? Pour prendre l'âme. Al-Aulad, yihtajoun ila muraja'a. Ismaïd. Allah alam, hein? Ilyas. Ilyas. Allah alam. Tayyib. Issa, il est trop petit. Khalas. Tayyib. Hamza. Jibril. Aywa. Jibril, sa fonction, c'est lui qui descend le Coran. Hein? Il l'a entendu d'Allah Azza wa Jal et c'est lui qui le transmet à tous les prophètes. Il y a pas que, c'est pas que le prophète Mohammed. C'est lui qui le transmet à tous les prophètes. Tamam. Donc Jibril muwakkilun bil wahy. Yanzilu bihi min 'indillahi 'ala man yasha'u min anbiya'ihi wa rusulihi wa minhum Mikail. وميكائيل هذا موكل بماذا؟ بالمطر موكل بالمطر والنبات et parmi les anges il y a l'ange qu'on appelle Michael qui lui a pour fonction de s'occuper de la pluie et des plantes la pluie et des plantes هذا يحتاج الى دليل صحيح Mais il faut quand même une preuve pour affirmer ça. فَهَذَا مِمَّا اشْتُهِرَ عِنْدَ السَّلَفِ Ça, c'est une parole qui est connue et qui est célèbre chez les pieux prédécesseurs. Maintenant, est-ce qu'il y a un dalil où le prophète, alayhi salatu wa salam, il évoque cela, c'est-à-dire que Michael s'occupe de la pluie et de plantes, Allah Ta'ala a'lam. Wa minhum Israfil, Israfil al-muwakkal bin nafkh fi as-sur hina as-sa'q wa an-nushur. Et parmi les anges, il y a Israfil. Israfil, lui, sa fonction, c'est de souffler dans la trompe. Souffler dans la trompe lors de la fin des temps. Wa minhum malak al-maut. Malak al-maut. Wa hadha jaa ad-dalil. Wa minhum malak al-maut. L'ange de la mort. Al-muwakkal biqabd al-arwah 'inda al-maut. Lui, jaa dalil. Lui, c'est confirmé dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. L'ange de la mort. Wa minhum malak al-jabal, al-jibal. Malak al-jibal. Al-muwakkal biha. Et aussi, il y a l'ange des montagnes, c'est-à-dire celui qui s'occupe d'elle. Wa minhum malik. Wa minhum malik. Khazinun nar. Et aussi, parmi les anges, il y a Malik Khazinun Nar, celui qui le gardien de l'enfer. Malik. Taïb. Wa minhum malaikatun muwakkiluna bil ajinna fil arham. Et il y a des anges qui ont pour fonction première. Et quand on dit fonction première, ça veut dire que ça veut pas forcément dire qu'ils ont que ça comme fonction. La première de leurs fonctions, c'est celle qu'on évoque. Mais il se peut qu'ils aient d'autres fonctions. Comme Jibril, ils pouvaient descendre pour annoncer d'autres choses. Matalan, le fait que Jibril, il descende au milieu des malaïkas et il leur dise que Allah subhanahu wa ta'ala aime un tel, aimez-le. Tamam. Ou que Jibril, il descende pour faire la guerre. Ça, c'est d'autres fonctions. Mais sinon, à la base, la première de ses fonctions, c'est qu'il s'occupe du wahi. Taïb. Donc là, il y a aussi des anges qui ont pour fonction de s'occuper de l'embryon. De l'embryon dans le ventre de la mère. Wa akharun muwakkaluna bihifdhi bani Adam. Et d'autres qui ont pour fonction de protéger l'être humain. Wa akharun muwakkaluna بِكِتَابَةِ الْأَعْمَالِ. Et d'autres qui sont là pour écrire les œuvres. لِكُلِّ شَخْصٍ مَلَكَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَآخَرُونَ مُوَكَّلُونَ بِسُؤَالِ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْإِنْتِهَاءِ مِنْ تَسْلِيمِهِ إِلَى مَثْوَاهُ. Il y a aussi d'autres anges qui ont pour fonction de poser des questions aux morts lorsqu'ils se retrouvent dans sa tombe. Ya'tihi malakan yas'alani 'an rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi fayuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ath-thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Wa minhum al-mala'ika al-muwakkaluna bi ahli al-jannah. Et aussi il y a des anges qui s'occuperont ou qui ont pour fonction de s'occuper des gens du paradis. Yadkhuluna 'alayhim min kulli bab. Salamun 'alaykum bima sabartum. Yadkhuluna 'alayhim min kulli bab. Fi ayy bab? Yani ayy bab yani yuqsad huna. Yadkhuluna 'alayhim min kulli bab. Salamun alaykum bima sabartum. Abu Abel Jenna. Hadi Abu Abel Kusur. Kusur Ahl al-Jannah. Wa buyut Ahl al-Jannah. Wa khiyam Ahl al-Jannah. Fa fil Jannah. عدة أبنية لأهلها. Au paradis, ceux qui auront le paradis, ils auront plusieurs habitations. Al-Qusur. Les palais. Tamam. Donc les anges vont rentrer de toutes portes du palais en leur disant salamun alaykum bima sabartum. Et pareil, ils auront des chambres ghurafun. Ils auront des chambres. Ça c'est la chambre, c'est hors, c'est pas compris dans le palais. Des chambres surélevées spéciales pour les gens du paradis. Wakadalek, ils auront quoi aussi comme al-khiyam. Et le khiyam, la tente, madame, c'est pas une tente, yani qasira, c'est une tente qui est immense, dans laquelle il y aura, pour certains, un nombre impressionnant de hurul ayn. Naam. Wa sheikh madha l'imam Ibn al-Qayyim lahu kalam fi hadha ala anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtara afdal al-halat li ahli al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi les meilleures des situations à vivre pour les gens du paradis. Et parmi les manières de vivre excellentes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour les gens du paradis, le fait de vivre dans des tentes. Tamam. Et ça, comme ta'lamoun, al-arab min qadim al-zaman yuhibbun hadha. Yuhibbun hadha, fa Allah subhanahu wa ta'ala ikhtar hadha al-wasf li awliya'ihi fi jannati al-ula. Et ensuite il termine ce passage-là en disant وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَعْمُورُ فِي السَّمَاءِ يَدْخُلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ يُصَلِّ فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخِرْ مَا عَلَيْهِمْ. Et aussi le prophète عليه الصلاة والسلام nous a informé qu'il y a une maison qu'on appelle Bayt al-Ma'mour qui se trouve au premier ciel, dans laquelle il y a chaque jour 70 000 anges qui y pénètrent, dans une version qui y prient. Et ces anges, ils quittent cette maison-là sans jamais y revenir. Donc chaque jour qui passe, il y en a 70 000 qui rentrent. Chaque jour qui passe, il y en a 70 000 qui rentrent. Wa naktafi bi hadha al-qadr wa jazakum Allahu khayran. I don't know.